Le rassemblement au niveau central consacré au 70e anniversaire de l'organisation des enfants de Corée s'est déroulé le 5 juin au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang en présence de Choi Ryong-hae, Yang Hyung-sop, Kim Soo-gil, des délégués des structures de l'organisation des enfants de tout le pays, des fonctionnaires chargés des élèves, des cadres intéressés, des permanents des formations des travailleurs et de l'Union de la jeunesse. Choi Ryong-hae, membre du comité permanent du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, a transmis la lettre de félicitations adressée par le comité central du parti aux structures et membres de l'Organisation des enfants de Corée. La lettre a écrit « Les 70 ans de l'Organisation des enfants de Corée constituent l'histoire révolutionnaire des grands généralissimes qui ont ouvert la période de prospérité de l'éducation de l'Organisation révolutionnaire des enfants et du mouvement des enfants par l'amour pour la postérité et l'éminente direction, et l'histoire de lutte glorieuse de l'Organisation révolutionnaire des enfants qui a formé ses membres en continuateurs fiables chargés de l'avenir de la Corée et en relève de l'Union de la jeunesse. » Depuis sa fondation, l'Organisation des enfants de Corée a créé l'exemple de l'édification de l'Organisation révolutionnaire des enfants et du mouvement des enfants et accompli à merveille sa mission honorable de former ses membres en continuateurs chargés de l'avenir de la Corée. Les membres de l'Organisation des enfants se forment en futurs piliers de la patrie, ce qui est la fierté du Parti Travail de Corée et du peuple. Grâce à la troupe de 3 millions d'enfants révolutionnaires, l'avenir de la puissance de la jeunesse est garanti et notre patrie prospère en puissance socialiste. Chun Yong-nam, premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse, a dit dans son rapport « Tous les membres de l'Organisation des enfants sont appelés à honorer les grands généralissimes Kim Il-sung et Kim Jong-il comme soleil éternel, à préserver et faire briller leurs exploits accomplis devant le mouvement des enfants de Corée, et à devenir enfant révolutionnaire infiniment fidèle au maréchal Kim Jong-un. »